J'aimerais finir comme ça, la tête collée dans le sparadrap. Que le monde entier me regrette, que je devienne un riche malhonnête. Il faudrait que je vende des disques, puisque le vrai succès s'achète. Et puisque le succès a ses risques, je crèverai d'une balle dans la tête. 3 millions d'exemplaires vendus, voici le prix de mes funérailles. Il n'y a que la misère qui m'aille, et ce soir, chérie, je me tue. Ton amour m'étouffe beaucoup trop, et les week-ends devant la télé ne correspondent plus à la vision de l'amour 100% que j'avais. Et quand les menottes en fourrure, grâce auxquelles tu m'attaches au lit, se transforment en chaînes lourdes et froides, moi je ne veux m'arrêter ici. Je veux simplement te quitter et te laisser refaire ta vie et me laisser refaire ma vie. J'assume mal d'être un pourri, j'assume mal de n'être que moi, j'assume mal d'être Anthony qui chante ses chansons dans sa chambre, chante le mal-être de son esprit dans une frustration infinie, qui veut se taper d'autres filles, qui aimerait bien voir une vie d'un homme de 18 ans et demi. J'assume mal de prendre le bus 5 fois par jour, la carte à puce, lorsque je l'introduis dans la fente pour que le chauffeur me laisse entrer. Moi je pense à ta jolie fente qui aujourd'hui me fait gerber, car je l'ai trop utilisée, éjaculée et satisfait. Je ne suis qu'une vermine, une fiente, consciente de sa culpabilité. Je sais que je te fais pleurer et je n'ose même pas t'avouer que depuis le début de cette année, tous les soirs je pleure en secret, entouré de bougies rouges et noires. Je me mutile, je deviens taré, j'assume mal de n'être que moi, chanteur underground dépravé, une réelle, véritable mocheté de temps en temps se fait consoler. On lui dit qu'il est Johnny Depp, mais il est laid comme un bassé, mais il sait, il n'est pas bête, oui je le sais que je suis laid. Je veux être beau comme Johnny Depp, je veux rencontrer Dieudonné, aller voir les vents passent, au fait, et mon petit frère l'égorger. Mais si cette vie s'acharne sur moi à me faire vivre le grand vide, si la malchance ne me lâche pas, bientôt qu'en pousseront mes rides, et que j'aurai raté ma vie, que je ne me consolerai qu'au liquide, ras le cul d'attendre sans cesse ma mort, moi je prévoirai mon suicide.